Chapitre 12e. Quand Madame d'Argonne arriva chez Montaut pour essayer son costume, elle trouva le couturier très préoccupé. Il attendait une étoffe, un lainage blanc bourru, qu'il avait commandé pour sa robe du Grand Prix et qui n'arrivait pas. Il était très inquiet, elle le rassura. Précisément, elle venait lui dire de ne pas faire cette robe. Il se récria, et comme elle expliquait que, n'ayant pas d'argent, elle ne voulait pas grossir encore son compte, il protesta. Madame la comtesse n'avait pas à se préoccuper de ça. Elle paierait plus tard, quand elle voudrait. Christiane demanda ce qu'il entendait par plus tard. Il répondit que ce serait en novembre, ou décembre même, si madame la comtesse le voulait. Elle ne comptait pas, dans tous les cas, payer qu'à cette date, et elle le lui dit franchement. Montaut devint sérieux. Madame d'Argonne appartenait à la catégorie des clientes qui payent pour celles qui ne payent pas. Obligée, comme réclame, d'habiller beaucoup de jolies femmes qui ne réglaient jamais leurs notes ou donnaient de dérisoires acomptes, le couturier qui faisait de bon cœur son deuil de certains déficits prévus n'entendait pas perdre sur ce qu'il considérait comme de l'argent sûr. Il dit « Vous devez bien avoir, madame la comtesse, des diamants que vous ne portez pas. À votre âge et belle comme vous, c'est un crime de mettre des diamants. Vendez-les. Voulez-vous que je me charge de vous trouver un bijoutier qui ne vous vole pas ?»« C'est déjà fait. » dit Christiane, honteuse d'avouer ces choses à Montaut. « J'ai vendu mes diamants il y a 2 mois. J'ai même encore vendu d'autres bijoux. Je n'ai plus rien. » Il conseilla. « Vous pouvez facilement emprunter, madame la comtesse. » Elle répondit sèchement. « Non, je m'en suis informée. Je ne peux rien sans la signature de monsieur d'Argonne, et je ne veux pas la lui demander. » Toujours respectueux et insinuant, le couturier reprit. « Évidemment. » Lorsqu'il s'agit d'un prêt régulier fait devant notaire. Mais on trouve, dans des conditions différentes, des gens qui vous connaissent et qui vous obligent volontiers, sans autre garantie que votre signature, à vous. Vous prenez l'engagement de les rembourser dès que vous le pourrez, et voilà. Elle répondit, se prenant à espérer vaguement, « Mais je ne sais pas du tout quand je pourrai rembourser. Je dois hériter d'une somme qui m'est assurée, mais cette somme, je peux l'attendre longtemps. » « Qu'est-ce que ça fait? C'est une garantie. » Il ajouta d'un air fin. « Vous pensez bien, madame la comtesse, que toutes les clientes qui dépensent chez moi 50 000 francs par an ne les ont pas. Elles les trouvent. » « Moi, je ne saurais m'occuper de ces choses. Je préfère ne pas dépenser autant. Mais, madame la comtesse, vous ne pouvez pas, en vue comme vous l'êtes, modifier tout à coup votre façon de vous habiller. On s'occupe trop de vous pour que... « On s'en occupera moins, voilà tout, » dit madame d'Argonne d'un ton cassant. Et enlevant l'épingle qui fixait son chapeau, elle demanda. « Si vous voulez bien faire apporter mon costume, je vais l'essayer. » Montaut rentra un quart d'heure plus tard pour voir si le costume allait bien. Il déplaça les draperies, rattacha les grappes de fruits et de légumes et, avant de sortir, dit à Christiane qui se souriait dans la glace, ravie de se voir si jolie. « Je fais toujours la robe de laine blanche. » Pour le reste, madame la comtesse réfléchira, et je me mets à sa disposition pour chercher si elle le juge à propos. Il parlait sans la regarder, en tapotant la jupe, en enfonçant une épingle, l'œil glissant de côté sous la paupière avec, sur les lèvres, un demi-sourire discret qu'elle ne remarqua pas. En ce moment, elle ne pensait qu'à sa beauté et à ses succès dont Jacques était si heureux. Elle se vit retournant aux petites robes faites chez elle, aux chapeaux qu'elle chiffonnait, renonçant à la situation qu'elle avait su conquérir si vite. Elle entendit les reproches de son mari, les observations moqueuses des femmes qui guettaient sa moindre défaillance, et elle répondit, décidée tout à coup, « J'ai réfléchi, monsieur Montaut. Si vous pouvez trouver ce dont vous m'avez parlé, vous me ferez plaisir. » Le couturier ne broncha pas, mais en lui-même il pensa un peu surpris. « C'est singulier. Je croyais que pour celle-là il n'y aurait plus de tirage. » S'inclinant, il répondit respectueusement « Madame la comtesse peut compter sur moi. Je vais m'en occuper tout de suite. Ça ne sera pas long. » Et regardant la beauté de Christiane, il se dit à part lui « Le fait est que ça m'étonnerait si ça traînait. » Au moment de sortir, il s'arrêta. « Dès que j'aurai quelque chose de nouveau, j'avertirai madame la comtesse. » Il était 3 heures quand madame d'Argonne sortit de chez Montaut. Elle se fit conduire au bois. Elle savait qu'à cette heure, elle n'y rencontrerait personne et elle désirait respirer et marcher seule, librement. Elle était mécontente d'elle-même et des autres. De Jacques d'abord, qui, par son acharnement à la faire briller, l'avait lancée dans une voie qu'elle sentait de plus en plus mauvaise. À présent qu'elle circulait au soleil, sortie de l'étouffement du gaz et des parfums du petit salon d'essayage, elle jugeait différemment des choses et elle regrettait ce qu'elle venait de faire. Il y avait maintenant une sorte de lien entre elle et Montaut, pour qui elle avait une horreur instinctive et dont pourtant elle ne pouvait plus se passer. Elle sentait combien était fausse la situation qu'elle acceptait. Et ce prêteur, quelque usurier, qui pouvait l'attirer dans une désagréable aventure. L'idée lui vint d'avouer tout à Jacques, mais elle pensa qu'avec sa nature légère et superficielle, il trouverait qu'elle dépensait maladroitement, qu'elle s'y prenait de travers, qu'elle ne savait pas s'organiser comme les autres. Les autres. C'était toujours les autres qui lui citaient, comme s'ils connaissaient leur vie, leurs embarras, aux autres, et leur façon d'en sortir. Elle aimait passionnément son mari, elle le voulait, elle tenait sauvagement à lui. Mais elle comprenait que dans le milieu stupide où ils passaient exclusivement leur temps, l'intelligence de Jacques, autrefois ouverte à tout, s'atrophiait, uniquement habituée à présent aux conversations banales, faites de clichés et de lieux communs. Quelquefois, dans ce monde élégant, distingué, pimpant, joli à voir, elle écoutait, les yeux à terre, les pauvres riens, qui voltaient péniblement à travers les peluches et les fleurs, et lui semblait, dès qu'elle ne voyait plus les causeurs, entendre parler les personnages les plus étonnamment imbéciles d'Henri Monnier. Ces gens qui, isolés, eussent peut-être été charmants, semblaient tous avoir passé dans un même moule qui les avait déformés. Ils n'aimaient sincèrement ni les arts, ni même les sports. Leur lecture se bornait aux journaux mondains et à quelques romans nouveaux. Encore, avant d'acheter un livre, on demandait au libraire si ça ne finissait pas tristement. Il a peur de ressembler, par le frottement continu, à ces êtres sans personnalité et sans âme, clouée et Christiane, silencieuse et craintive dans les coins de salon, où elle restait au fond d'un fauteuil, immobile, le regard perdu. Cette façon d'être avait créé autour d'elle une légende de bêtises et de bégueulerie qu'elle n'ignorait pas et dont même elle s'amusait. Depuis que sa beauté lui faisait des ennemis, la légende grandissait encore. Rosette de Givrel en avait averti, ajoutant « Moi, à votre place, voyez-vous, je me révélerai. » Mais Christiane ne tenait pas à se révéler. Elle n'avait pas la nature taquine de son amie. Pour tout ce qu'elle n'aimait pas, son indifférence était complète. Tandis qu'elle rêvassait, en montant les Champs-Élysées à toutes ces choses, un monsieur qu'elle croisait en voiture au rond-point la salua. Elle rendit le salut distraitement et ne reconnut Morière qu'après qu'il était passé. Depuis quelques jours, elle le voyait peu. Jacques commençait à s'inquiéter de son absence. Il répétait volontiers « Cet animal d'André doit avoir quelque nouvelle aventure sous roche. On ne le voit plus. » Et elle se disait que c'était dommage de voir ce beau grand Morière, peut-être intelligent et bien doué, mener cette vie bête, sans s'intéresser vraiment à rien, sans même aimer vraiment personne, puisque Madame de Givray affirmait que jamais il n'avait pensé à une femme qui n'était pas là. Il lui semblait pourtant avoir vu passer de tendres lueurs dans les doux yeux bleus du marquis lorsqu'il la regardait. Des lueurs qu'elle reconnaissait pour les avoir vues aussi, à certaines heures, dans les yeux de Jacques. Jamais elle n'allait aux acacias. Cette allée bête et laide l'attristait. Elle fit arrêter à la potinière et se mit à descendre vers Boulogne, en suivant la petite allée couverte qui longe l'allée des cavaliers. Elle marchait vite pour se fatiguer et s'empêcher de penser. Au bout d'un instant, elle entendit marcher derrière elle et, machinalement, elle se retourna. Monsieur de Morière arrivait à travers bois. Il cria « Comme vous marchez vite !» La bouche souriait, mais les yeux, câlins, n'avaient pas leur tranquillité limpide. Et il semblait hésitant, presque intimidé. Madame d'Argonne s'était arrêtée, prévoyant un ennui. Il dit « Je vous ai suivi. Je voulais vous voir, vous dire un mot. Pouvez-vous m'entendre ?» Elle répondit, sans paraître remarquer son trouble. « Mais oui, pourquoi pas ?» Il reprit. « Ce que j'ai à vous dire, vous vous en doutez bien un peu, n'est-ce pas ?»« Non, pas du tout. » »« Ça m'étonne. Je pensais que depuis bien des jours, vous aviez dû vous en apercevoir. » Elle répondit en souriant. « Bien des jours. Il y a 2 mois que nous nous connaissons. » « C'est vrai, il n'y a que 2 mois. » Il la regardait sans rien dire. Embarrassée par ce silence, elle demanda, affectant une grande liberté d'esprit, « Eh bien, j'écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire ?»« Je vais vous dire que je vous aime. »« Oh, ne riez pas. C'est sérieux. Je vous adore. »« Entendez-moi, je vous en prie, madame. » Elle dit, pressant involontairement le pas, « Je croyais que vous n'aimiez jamais personne. » Son front se barra d'un pli. « C'est Rosette qui vous a dit ça. » « C'est elle, et d'autres. »« Eh bien, je vous promets pourtant que je vous aime vraiment. » Il ajouta, la voix changée, « et que je suis très malheureux. Me croyez-vous ? » Elle répondit simplement, « Je crois que vous avez pour moi un petit caprice. » Comme il faisait un geste pour protester, elle corrigea, « Un petit sentiment, si vous voulez. Si vous saviez comme je vous aime vraiment, vous m'aimeriez un peu aussi, un tout petit peu. » Il attacha sur elle ses yeux bleus, qui s'assombrissaient dans l'ombre des arbres. Il continua. « Ça vous est égal qu'on vous aime. Oui, je le pensais bien. Je prévoyais bien ce que vous me diriez, ou plutôt ce que vous ne me diriez pas. Pour ne pas vous aimer, j'ai essayé de ne plus vous voir. Et je vous aimais bien davantage. Depuis une semaine, j'évite les occasions de vous rencontrer. » Elle fit un signe de tête. « Hein ? Vous l'avez remarqué ? » dit-il, presque joyeux. « Je n'espérais pas que vous en étiez aperçu. » Elle ne répondit pas, alors il supplia. « Soyez bonne, dites-moi que je puis espérer. »« Je ne mens jamais. »« Dites-moi au moins que vous me permettez de vous aimer. » »« Non plus. » »« Pourquoi ?»« Parce que j'aime Jacques. » Il murmura étonné. « Oui, on me l'avait dit. »« Janie me l'avait dit. »« Rosette aussi. Oh, »« Mais je ne le croyais pas. » Elle demanda avec de l'irritation dans la voix. « Parce que ?»« Parce que, dame, c'est si invraisemblable. » Non pas que d'Argonne ne soit très digne d'être aimée. Oh, très, mais enfin, c'est rare, dans le monde, une fidélité de 2 ans. Ils étaient arrivés au bout de l'allée, elle voulait retourner à sa voiture. Non, fit-il presque douloureusement. Non, pas encore. Donnez-moi encore un instant. Qui sait quand je vous reverrai ainsi? Ils étaient seuls dans le bois, absolument désert à cette heure si chaude du jour. Au travers du feuillage épais qui les abritait, des rayons glissaient, posant leurs taches claires sur la robe de Madame d'Argonne. Elle marchait de ce pas souple et cadencé que Morière aimait tant. Il s'arrêta, la regardant sans parler, puis, tout à coup, « Alors, jamais, jamais ?»« Jamais. »« Eh bien, je vais partir, oui. C'est le seul moyen que j'ai de me remettre d'aplomb. Quand je serai à 2000 lieues de vous, il faudra bien que je renonce à vous voir, n'est-ce pas ?» Elle répondit. « Ne pouvez-vous rester à Paris et cesser de me voir ? Vous savez bien que ça ne se peut pas, que tout nous rapproche, dans cette saison surtout. Mais au contraire, elle finit la saison. Dans 8 jours, c'est le Grand Prix. Je vais partir. » Il demanda avidement. « Où allez-vous ? » « Jacques veut aller à Deauville, ensuite à la campagne jusqu'à l'hiver. »« Eh bien, moi aussi j'y vais à Deauville. Je vous retrouverai partout, je vous dis. Je ne peux pas rester en France. » Tandis que Morière parlait, elle pensait que s'il partait, tous les projets de la petite bande dont il était l'âme allaient se trouver bouleversés. Jacques serait furieux, furieux contre elle surtout, s'il apprenait la cause de ce départ. Il se mettait l'esprit à la torture pour trouver un moyen de faire rester le marquis. Elle s'inquiétait réellement alors que lui, quoique très amoureux, était parfaitement de sang-froid. Elle croyait aveuglément à son projet de voyage et il n'avait pas songé un instant à quitter Paris. Elle se tourna vers lui, inquiète et d'une voix très douce qu'il ne lui connaissait pas. « Et si je vous demandais de rester, moi ?» Il fit un mouvement de surprise. La comtesse appuyait sur ses yeux son regard velouté. Il balbutia, sincèrement ému pour la première fois. « Si vous me le demandiez, je le ferais. Vous savez bien qu'en me regardant, vous me rendez fou. » Elle pensa encore aux 1000 petits tracas que lui attirerait le départ d'André. Elle n'aurait plus son bras pour se promener au bal ou au pesage, et aucun autre, c'était Jacques qu'il disait, ne la faisait valoir autant que Morière. Puis il était, en sellerie, un des porteurs du palanquin de Pomone, et les parties de spectacle et les dîners à Armenonville qu'il organisait si bien, il fallait à tout prix qu'il restât. D'ailleurs, il était amour en l'air, à la diable comme toujours, son amour était une affaire d'occasion. Il ne tenait pas autant à elle qu'il cherchait à le lui faire croire, et dans 2 jours, quand il verrait qu'elle était bien décidée à ne pas vouloir, il ne penserait plus à rien et chercherait une autre occupation, tandis qu'elle, elle aurait, s'il partait, toute sa pauvre vie bouleversée. Se tournant vers lui, Rose, la bouche entrouverte, les yeux voilés, elle lui dit, de cette voix chaude qui secoue étrangement ses nerfs, « Eh bien, je vous le demande. » Et lui défendant de la suivre, elle partit en courant dans la petite allée sombre.